Chapitre 4. L'authenticité du roman d'amour de Chateaubriand et de Miss Ives, contesté par M. Child. Objection qu'il peut soulever. Inanité de ces objections. Chateaubriand presque adopté par les Ives. Les soirées de Bridge Street. Chateaubriand, chaque tasse. Les tête-à-tête avec John Ives. Charlotte, musicienne et cantatrice. Les stances à Clarisse. Charlotte, premier amour de René. Persuadé qu'il n'a que peu de temps à vivre, il salue en elle la vierge des dernières amours. Ce fut aussi bien ce qui arriva. L'auteur des mémoires s'en confesse avec une ferveur mal repentie. Le plus doux, le plus tendre et le plus reconnaissant souvenir m'est resté de cet événement. Avant ma renommée, la famille de M. Hobbes est la seule qui m'ait voulu du bien et qui m'ait accueilli d'une affection véritable. Pauvre, ignoré, proscrit, sans séduction, sans beauté, je trouve un avenir assuré, une patrie, une épouse charmante pour me retirer de mon délaissement, une mère presque aussi belle pour me tenir lieu de ma vieille mère, un père instruit, aimant et cultivant les lettres pour remplacer le père dont le ciel m'avait privé. Qu'apportais-je en compensation de tout cela? Aucune illusion ne pouvait entrer dans le choix que l'on faisait de moi. Je devais croire être aimé. Depuis cette époque, je n'ai rencontré qu'un attachement assez élevé pour m'inspirer la même confiance. L'authenticité de l'aventure a pourtant été contestée. Sans parler du démenti trop naturel que, lors de la publication des Mémoires d'Outre-Tombe, les fils de Charlotte infligèrent, paraît-il, au récit de Chateaubriand, une lettre de F. S. Basden à Wilton Ricks, dont nous avons déjà eu à citer un passage, s'exprime ainsi. J'ai pris auprès de M. Child des informations relatives à Chateaubriand. Selon lui, l'intrigue d'amour avec Miss Ives est une pure fiction. En revanche, il est exact, croit-il, que devenue veuve, elle lui rendit visite avec deux de ses fils, mais poussée uniquement par une vieille amitié. Ses deux fils de Mrs. Sutton sont morts depuis, il y en a un troisième qui vit encore et qui fit dernièrement comme général une tournée à Bungay. La vanité de l'écrivain français l'a conduit, semble-t-il, à inventer sur son séjour en Angleterre une foule de circonstances qui ne méritent aucun crédit. L'assertion, comme on voit, est formelle. D'après M. Child, ami sans doute de la famille Ives, l'idylle de Bungay serait née de toutes pièces dans l'imagination de l'ancienne émigrée, laquelle, il faut bien en convenir, n'était que trop prompte à ce genre de mirage. Qui ne sait la prodigieuse disposition de Chateaubriand à se forger des amours idéales. Les femmes dont il s'est fait aimer en rêve ne sont pas moins nombreuses que celles qui l'aimèrent en réalité. Les sylphides et les démones ne demandaient sans cesse qu'à jaillir du cerveau de ce Jupiter. Ses jours et ses nuits de combourg en furent peuplés. Il en sema les forêts de l'Amérique, celles-là surtout qu'il ne visita jamais. Témoin l'épisode des deux Floridiennes, auquel nous avons déjà fait allusion. Il n'en est pas de plus typique, ni qui marque davantage à quel point l'esprit de Chateaubriand subissait la tyrannie de ses propres fictions. Ces deux filles de son génie n'avaient eu d'existence tout d'abord que dans les Natchez, où, sous les noms de Tselouta et de Mila, elles se disputent le cœur de René. Mais soudain, les voici qui, des pages du poème, se glissent dans la vie du poète. Chateaubriand les avait prêtées à René. René, par un échange de bons offices, les a rendus à Chateaubriand, qui les retrouve en Floridienne, à 500 lieues des Florides, sur les rives d'un fleuve qu'il n'a pas vu, dans une région où il n'est pas allé. Qu'on ne s'étonne pas si j'évoque leurs souvenirs à propos de Charlotte. C'est Chateaubriand lui-même qui nous y convie. J'avais paré les Floridiennes, je n'aurais pas osé relever le gant de Miss House. Mais si cependant l'histoire de l'une méritait aussi peu de créance que celle des deux autres. J'avoue que j'ai été un moment sur le point de le penser, mis en garde contre le récit des mémoires non seulement par la lettre de F. S. Basden à Wilton Ricks, mais plus encore peut-être par la lettre de Chateaubriand au docteur Davet. Chateaubriand, dans cette lettre, parle, si l'on s'en souvient, de rentrer à Beccles aussitôt après la publication de l'essai. Y eût-il songé avec cette sérénité de conscience si la version des mémoires était exacte et qu'à la suite du déplorable malentendu de Bungay, il eût, en effet, dû fuir en hâte comme un malfaiteur devant son crime? Joignez que ce qu'il envisage dans ce retour à Beccles, c'est le retour aussi à la calme vie de province, c'est la paix, c'est le repos, c'est le rétablissement de sa santé de nouveau chancelante. Mais, à ce compte, il eut donc choisi pour s'aller mettre au vert des parages encore tout émus de sa récente escapade, et où les convenances les plus élémentaires, à défaut de ses remords, lui faisaient un devoir de ne plus reparaître. Était-ce croyable, et n'était-il pas plus légitime, d'inférer de sa lettre que, rappelé à Londres par Deboeuf, probablement pour corriger les épreuves de l'essai, alors en cours d'impression, il avait quitté Beccles le plus normalement du monde, par le même coche qu'il y avait amené, avec promesse d'ailleurs, de revenir et en s'engageant à trouver quelqu'un pour le remplacer en son absence. L'entrevue à Londres en 1822 de l'ambassadeur et de Mrs. Sutton compliquait la difficulté au lieu de la résoudre. Il n'y avait évidemment pas à révoquer en doute cette entrevue. Son authenticité, dont convient, M. Shield, nous était garantie par le témoignage du premier secrétaire de l'ambassade, M. de Marcellus. Mais c'était cette authenticité même qui rendait, semblait-il, plus suspectes les allégations des mémoires relatives à l'épisode de Bungay. Comment ? Voilà une jeune fille qu'un étranger reçu, choyé comme un hôte sous le toit de ses parents, a presque suborné, en négligeant de l'avertir qu'il était déjà marié dans son propre pays. Et devenue la femme d'un autre, elle garde si peu de rancune au coupable qu'il ne lui répugne même pas de se retrouver en sa présence. Que dis-je ? Elle le recherche, elle accourt spontanément à lui, elle fait 50 lieues de diligence à seule fin de le revoir, et cela sous le prétexte, encore plus déconcertant, de recommander à sa haute bienveillance les fils de l'homme d'honneur qui l'a consolé de son abandon. N'était-ce pas en vérité par trop illogique, même si le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ? Et comme tout s'expliquait au contraire dans l'autre hypothèse, quoi, se fut dit Mrs. Sutton, ce jeune réfugié que j'eus autrefois pour professeur de français, il est maintenant ambassadeur à Londres. Mais alors, il doit être dans les meilleurs termes avec M. Canning. Si je le priais d'intercéder en faveur de mon fils, Samuel, qui a si grand désir de passer aux Indes, peut-être ne refusera-t-il pas d'avoir pour l'enfant de son ancien élève les bontés que mes parents eurent pour lui. Et elle venait très simplement sonner à l'ambassade de Portland Place. Oui, mais en dépit de toutes ces objections, et quoi que dise M. Sheld, il demeure en définitive que Chateaubriand n'a rien inventé. Le roman d'amour de l'émigré pauvre avec la riche héritière du pasteur de Bungay fut bien un roman vécu, une histoire de passion très vraie, très humaine, hélas qui, dans l'île d'Iseut et de Tristan, précipita une fois de plus l'un vers l'autre deux jeunes cœurs que la fatalité séparait. Cette histoire, qui pourrait s'intituler « Le premier amour de Chateaubriand », ne survit pas seulement dans le chapitre où il l'a magnifié. Je n'étais pas depuis 2 jours en Suffolk que les choses, à l'égal des gens, me la criaient, en quelque sorte, de toutes parts. Il ne nous reste donc qu'à la reprendre au point où nous l'avons laissée. Nous avons montré le French Teacher, presque adopté par les Ives, comme Chactas le fut par Lopez et René par Chactas. Toutes les fois que son gagne-pain l'appelait à Bungay, son couvert était mis à leur table, il apportait dans le vide et dans la monotonie de leur existence provinciale un élément d'intérêt et de variété dont ils devaient être d'autant plus ravis que l'aubaine était plus rare. Notez que Chateaubriand avait pris l'air de Paris, qu'il avait voyagé, vu beaucoup d'hommes et d'événements, que son imagination multipliait à l'infini son expérience, qu'il n'y avait pas, lorsqu'il s'était apprivoisé, de causeur plus étincelant dans un milieu où la conversation, au sens français du mot, était une nouveauté à peu près inconnue. Et enfin, que c'était Chateaubriand ? Il ne nous a tracé, dans les mémoires, qu'un crayon rapide de ses soirées de Bungay. Mais il en a, ce me semble, reproduit le détail en le transposant dans telles autres de ses œuvres en apparence les plus étrangères à l'Angleterre. Voulons-nous, par exemple, nous représenter quelle était, auprès de l'émigré, l'attitude de Charlotte et de Mrs. Ives ? Écoutons Chactas au pays des Siminoles. Les femmes qui accompagnoient la troupe témoignoient, pour ma jeunesse, une pitié tendre et une curiosité aimable. Elle me questionnoit sur ma mère, sur les premiers jours de ma vie, s'étoit ensuite mille autres questions sur l'état de mon cœur, elle me demandoit si j'avais vu une biche blanche dans mes songes, et si les arbres de la vallée secrète m'avoient conseillé d'aimer. À quoi Chactas Chateaubriand répondait avec naïveté, mais une naïveté semi-normande, habile à taire en phrases enchanteresses les engagements qui le liaient dans sa patrie à la lointaine céleste Buisson. « Vous êtes les grâces du jour, et la nuit vous aime comme la rosée. L'homme sort de votre sein pour se suspendre à votre mamelle et à votre bouche. Vous savez les paroles magiques qui endorment toutes les douleurs. Voilà ce que m'a dit celle qui m'a mise au monde et qui ne me reverra plus. Elle m'a dit encore que les vierges et toi des fleurs mystérieuses qu'on trouve dans les lieux solitaires. » La virginale Charlotte rougissait délicatement, sans bien savoir encore pourquoi. Mrs. Ives augurait de ces harmonieuses réticences du jeune Français qu'il avait le cœur libre et n'insistait pas. Chez l'une et chez l'autre, le grave malentendu commençait. Le repas terminé, les femmes se retiraient à l'anglaise, laissant John Ives seul avec son hôte devant une ou plusieurs bouteilles de Porto. 2 heures durant, les deux hommes buvaient et devisaient. Ils devisaient de Newton et d'Homère, ils devisaient surtout d'Amérique. Le révérend Ives aimait à conter ses voyages. Chateaubriand ne se faisait pas faute de s'étendre complaisamment sur les siens. Sans doute pour ne demeurer pas en reste, cédait-il dès lors à la tentation de les corser, de les dramatiser un peu. Déjà, son idéalisme celtique, impuissant à se contenir dans les bornes étroites de la réalité, s'évadait dans la fiction. La fantaisie pénétrait le souvenir, l'amplifiait et l'enrichissait. Ce fut, j'imagine, au cours de ses expansifs tête-à-tête avec l'ancien missionnaire du désert, sous l'influence suggestive et pour ainsi dire provocatrice de ses récits, que s'ébauchèrent dans le cerveau de l'écrivain quelques-unes des inventions de poètes et de voyageurs auxquelles il devait lui-même ajouter foi par la suite pour les avoir trop souvent débitées et dont nous surprenons les premiers germes jusque dans l'essai. L'effet de plus d'une d'entre elles fut certainement éprouvé tout d'abord sur le petit cercle de Bridge Street, non sans une secrète ambition, d'ailleurs bien excusable, d'exciter l'admiration frissonnante des dames qui le composaient. Charlotte reparaissait au thé, qu'elle préparait elle-même avec le geste de Tselouta. Elle fit bouillir de l'eau dans un vase en forme de corbeille, elle versa cette eau sur la poudre de la racine de smilax. Puis, elle s'asseyait au piano, elle était excellente musicienne et chantait, disent les mémoires, comme aujourd'hui Madame Pasta. Le vieux ministre, lourd de sommeil et peut-être de vin, ne tardait pas à s'endormir. Chateaubriand, appuyé au bout du piano, écoutait en silence. « Vous vous rappelez, Atala ? » Tout à coup, la fille de l'exil fit éclater dans les airs une voix pleine d'émotion et de mélancolie. Et vous vous rappelez aussi la Floridienne triste, dont la voix de velours faisait dire aux voyageurs des bords de l'Ohio qui coule en ce folk. Quiconque n'est pas sûr de sa vie se garde de l'exposer ainsi jamais. On ne peut savoir ce que c'est que la passion infiltrée avec la mélodie dans le sein d'un homme. Toutes les énergies inemployées de son cœur se réveillaient en René aux accents de Charlotte. Parmi les airs qu'il se plut à lui faire répéter, figurait, soyons-en convaincus, la complainte, alors célèbre en Angleterre, sous le nom de monodie du major André, dont il raconta plus tard dans une note de l'essai qu'elle lui avait été chantée aux États-Unis sur le paquebot de l'Hudson par une Américaine très jolie, à la voix timide, pleine de volupté et d'émotion. Mais, de tous les morceaux qu'il lui fut donné d'entendre interpréter, par les lèvres mélodieuses de la fille de l'exil, ceux qui le remuèrent le plus profondément, ce furent, à n'en pas douter, les vieilles ballades écossaises auxquelles il fait allusion dans une autre note du même ouvrage et qui était si fort à la mode dans les salons anglais de l'époque, depuis la dernière escapade du prince Charlie et surtout depuis l'Ossian de Macpherson. Nous en avons pour preuve l'adaptation qu'il composa de l'une d'elles sous le titre Clarisse, imitation d'un poète écossais, laquelle n'est, si je ne me trompe, qu'un hymne d'amour exalté vers Charlotte, qu'on en juge par ses strophes. « Oui, je me plais, Clarisse, à la saison tardive, image de cet âge où le temps m'a conduit. Du vent à tes foyers, j'aime la voix plaintive durant la longue nuit. Viens dans ces champs déserts où la bise murmure, admirer le soleil qui s'éloigne de nous. Viens goûter de ces bois qui perdent leur parure, le charme triste et doux. Des feuilles que le vent détache avec ses ailes voltigent dans les airs le défaillant essaim. Ah, puissais-je, en mourant, me reposer comme elle un moment sur ton sein. Ce ruisseau sous tes pas cache au sein de la terre son cours silencieux et ses flots oubliés. Que ma vie inconnue, obscure et solitaire, ainsi passe à tes pieds. Aux portes du couchant, le ciel se décolore. Le jour n'éclaire plus notre aimable entretien. Mais est-il un sourire aux lèvres de l'aurore plus charmant que le tien? L'astre des nuits s'avance en chassant les orages. Clarisse, sois pour moi l'astre calme et vainqueur qui, de mon front troublé, dissipe les nuages et fait rêver mon cœur. Il est impossible de lire ces vers sans évoquer l'automne de 1795 à Bungay, le bruit du vent sur les collines d'alentour, le courant silencieux de la Vavenay criblé de feuilles mortes, la tiédeur hospitalière du foyer de Bridge Street et la blanche, la mélancolique image de Charlotte brillant d'une pure et pâle clarté d'étoiles sur les destins orageux de René. Le quatrain final est particulièrement expressif. Tout ce que le poète écossais demande à Clarisse, c'est de bercer son infortune, d'écarter de lui les pensées douloureuses, de faire rêver son cœur. C'était aussi bien tout ce qu'au début de leur intimité, Chateaubriand souhaitait de Charlotte. Il n'éprouva d'abord à ses côtés que le charme timide d'un attachement sorti de l'âme. Bientôt, il ne se contenta plus de rêver d'amour. Il aima, discrètement pour commencer et comme à distance, avec un mélange de ferveur et de respect. « J'avais paré les Floridiennes, » nous disait-il tout à l'heure. « Je n'aurais pas osé relever le gant de Miss Ives. » Traduisez que jusqu'alors, il n'avait pas connu l'amour véritable, ou simplement l'amour. Il avait été amoureux, lui-même ne savait combien de fois. Il était toujours prêt à l'être, et de toutes les femmes, excepté de la sienne. Il n'avait pas aimé. Il semble en effet que sa passion pour Charlotte ait été quelque chose d'unique dans sa vie, comme les circonstances qui la firent éclore. Songeons qu'il marchait à ses 28 ans, que son passé comptait peu de joie, que son présent ne comptait guère que des tristesses. Il était proscrit, il était pauvre, il était malade, il était seul. « L'exilé partout et seul, » prononcera son grand compatriote Malouin, la menait. Il était voué, lui, par tempérament, à l'être plus que personne. Abandonné des siens, perdu dans l'étranger, jamais il n'avait plus senti le besoin de se raccrocher à une sympathie, à une affection. Le temps était loin où les sylphides et les démons des bois de Combourg, fantômes de son imagination enfiévrée, suffisaient à tromper les exigences de son cœur. Aujourd'hui, dans son dénuement moral, compliqué de misère matérielle, son ardente sensibilité avait faim d'un aliment qui ne fût pas un leurre. Il ne pouvait manquer de se jeter avidement sur le premier qui lui serait offert. Il vit que Charlotte était jeune, qu'elle était belle, qu'elle était digne de le comprendre, et ne se souvint pas, ne voulut pas se souvenir d'autre chose. « Il est difficile, » écrit-il à ce propos, « il est difficile d'aimer avec toutes les conditions de bonheur, jeunesse, beauté, temps opportun, harmonie de cœur, de goût, de caractère, de grâces et d'années. Pour une fois en son existence que ces conditions se trouvaient réunies, il n'eut pas le courage de se dérober. Il saisit la minute heureuse qui passait, convaincu d'ailleurs qu'après celle-là, il n'avait plus à en espérer d'autre. Il croyait en effet sa santé irrémédiablement atteinte et ne se donnait que peu de mois à vivre. Les médecins de Londres ne l'avaient-ils pas condamné? L'un d'eux ne lui avait-il pas asséné ce verdict brutal? « Tis done, dear sir, cher monsieur, vous êtes flambé. » Le séjour de Beckles avait, il est vrai, réparé ses forces, mais qu'était-ce là qu'une amélioration précaire, peut-être la trêve momentanée qui, chez les phtisiques, annonce les approches de la fin? Il s'imaginait déjà respirer l'air calme de la tombe. Parlant du livre auquel il travaillait alors, n'ayant pour table que la pierre de son tombeau, il déclare « C'est sous le coup d'un arrêt de mort, et pour ainsi dire entre la sentence et l'exécution, que j'ai écrit l'essai historique. » Il était en un mot dans l'état d'esprit de Chactas, prisonnier des Siminoles et n'attendant plus que d'être brûlé au grand village. Comme le Natché pour Atala, il salua en Charlotte Haves, la Vierge des dernières amours, venue pour enchanter ses heures suprêmes, et, laissant à la mort le soin de dénouer l'aventure, il se livra tout entier au divin enchantement. Chapitre 5. Le hasard se fait le complice de Chateaubriand, une bienheureuse chute de cheval. L'émigré est retenu toute une saison sous le toit des Haves, fréquentes occasions qu'il a de rester seul avec Charlotte, le Chactas et l'Atala de Bungay, les promenades à Sainte-Margaret-Ilkets-Hall, le village de la mission et les bocages de la mort, le secret de Chactas, l'heure fatale, dramatique dénouement de l'idylle. Il aima la fille de ses hôtes, et, sans se rendre compte de cette blâmable conduite, il succomba fâcheusement à la tentation de s'en faire aimer. Est-il besoin d'ajouter qu'il y eut bientôt réussi ? Naissance, génie, fierté chevaleresque, infortune éclatante et imméritée, il avait toutes les auréoles que pouvait souhaiter à l'élu de ses rêves une jeune personne enthousiaste, nourrie dans le culte des chefs-d'œuvre, éprise d'art, de poésie et de beauté. Il faut dire aussi qu'il rencontra dans le hasard un auxiliaire ou, si l'on veut, un complice. Une chute de cheval qu'il fit à Bungay l'obligea, contrainte bénie, de s'emprisonner quelque temps dans son logis de Bridge Street. Si nous ne connaissons que par les mémoires d'outre-tombe cette chute de cheval si opportune, nous aurions peut-être quelques velléités d'en sourire comme d'un incident romanesque trop prévu. Mais après ce que nous a conté Wilton Rix d'une des mésaventures équestres de Chateaubriand, il ne saurait subsister aucun doute. Je me demande même si la mésaventure en question, dont Wilton Rix tenait le récit d'un vieux gentleman, qui lui-même la tenait, disait-il, de M. Brattley, ne serait pas arrivée à Bungay plutôt qu'à Beckles, et si ce ne fut pas précisément celle qui valut aux familiers de Hives plusieurs semaines de repos forcé sous leur toit. On devine de quels soins il fut entouré dans cette maison de mœurs patriarcales. Le pasteur, sa femme, Charlotte elle-même, se relayaient pour le distraire. Tous les matins, la jeune fille lui apportait des fleurs, bien que l'on fût encore en hiver, mais un hiver sans doute déjà tiédi de printemps. Les parents, souvenons-nous que nous sommes en Angleterre, loin de trouver le moindre inconvénient à ces visites de leur enfant auprès du malade, n'apercevaient là rien que de légitime et de tout naturel. En sorte que les occasions se multiplièrent pour René de demeurer seul à seul avec celle qu'il aimait. Il ne nous dit point dans les mémoires comment il les mit à profit, mais c'est qu'il s'en était précédemment ouvert ailleurs. Nous avons, en effet, pour nous renseigner à cet égard, comme à beaucoup d'autres, le précieux fragment autobiographique essentiellement consacré aux amours de Bungay, qui s'appelle Atala. Chactas est attaché au pied d'un arbre, comme Chateaubriand était cloué au lit ou à la chaise longue. Atala paraît et dit au guerrier qui le veuille « Si tu veux poursuivre le chevreuil, je garderai le prisonnier ». Alors que se passe-t-il entre la fille étrangère et le héros, Natché ? Étrange contradiction du cœur de l'homme, moi qui avois tant désiré de dire les choses du mystère à celle que j'ai moi déjà comme le soleil, maintenant interdit et confus, je crois que j'eusse préféré d'être jeté au crocodile de la fontaine que de me trouver seul ainsi avec Atala. La gardienne de l'homme du désert est toi aussi troublée que son prisonnier. Le silence fermoie notre bouche, les génies de l'amour avoient dérobé nos paroles. Enfin, la fille du belliqueux Simagan, faisant un effort, dit ceci, « Guerrier, vous êtes retenu bien foiblement. Vous pouvez aisément vous échapper. » À ces mots, la hardiesse revint sur ma langue. Je répondis, « Foiblement retenu, ô femme, je ne sus comment achever. » N'entendez-vous pas derrière le voile transparent du symbole, Charlotte disant au blessé « Vous n'avez rien de grave, vous allez bientôt être libre ». Et le blessé répondant « Libre, pourrais-je l'être désormais quand je suis attaché ici par le plus puissant des liens ?» En vain Atala veut délivrer Chactas, il force ses beaux doigts à se fermer sur sa chaîne. « Vous êtes un insensé, dit Atala d'une voix émue, malheureux. Que prétends-tu ? Songes-tu bien que je suis la fille d'un redoutable sachem ? Il fut un temps, répliquai-je avec des larmes, que j'étois aussi portée dans une peau de castor, aux épaules d'une mère. Mon père avoit aussi une belle hutte, et ses chevreuils buvoient les eaux de 1000 torrents, mais j'erre maintenant sans patrie. Quand je ne serai plus, aucun ami ne mettra un peu d'herbe sur mon corps pour le garantir des mouches. Le corps d'un étranger malheureux n'intéresse personne. Ses mots attendrirent Atala, ses larmes firent le bruit des grandes eaux en tombant dans la fontaine. « Ah, repris-je avec vivacité, si votre cœur parloit comme le mien, faut-il donc pour être heureux tant de choses aux enfants des cabanes ? Ô fille plus belle que le premier songe de l'époux, ô ma bien-aimée, ose suivre mes pas dans la solitude. » Les pleurs de Charlotte s'échappèrent sans doute plus silencieusement que ceux d'Atala, mais comme elle, quoiqu'en d'autres termes, elle dut répondre à demi vaincue, « Mon jeune ami, vous avez appris le langage des Blancs. Il est aisé de tromper une Indienne. » N'oublions pas qu'elle avait 15 ans, l'âge de Juliette, que c'était la première fois qu'elle entendait la chanson de Roméo, et de quel Roméo ? Où l'eût-elle rencontré dans son entourage, le jeune homme capable de lui parler avec cette éloquence irrésistible, le langage des Blancs ? La conclusion de l'entretien fut apparemment la même à Bungay que sur la savane d'Alachua. « Quoi, m'écriai-je, vous m'appelez votre jeune ami ? Ah, un si pauvre esclave ! Eh bien, dit-elle, en se penchant sur moi, un pauvre esclave ! Je repris avec ardeur, qu'un seul baiser l'assure de ta foi. Atala écouta ma prière, comme un fan semble pendre aux fleurs de liane rose qu'il saisit de sa langue délicate dans l'escarpement de la montagne. Ainsi je demeurai suspendu aux lèvres de ma bien-aimée. Dorénavant, pour peupler la solitude de son cœur, Chateaubriand n'était plus dans la nécessité de se créer de chimériques amantes. Il était aimé d'un être de chair et d'os. C'est, je pense, ce que signifie la phrase un peu énigmatique des mémoires « Les songes de ma vie commencèrent à fuir devant la réalité ». René essaya de même, en s'attachant à Célouta, de réaliser ses anciennes chimères. Chez Miss Hyde, la jeune fille eut tout à coup des pudeurs, des effarouchements que l'écolière avait ignorés. Elle se montra plus réservée, cessa d'apporter des fleurs, ne voulut plus chanter. Cependant, le French teacher entrait en convalescence. Le moment approchait où il serait en état de reprendre ses fonctions à Beckles. Il n'en était nullement pressé, ni non plus les Hyde. Ils s'étaient accoutumés à l'avoir près d'eux, à le considérer comme un des leurs. Quant à lui, c'est avec un déchirement de toute l'âme qu'il devait envisager la perspective de la séparation. N'était-ce pas le temps où il écrivait dans l'essai « Une vie heureuse n'est ni un torrent rapide, ni une eau léthargique, mais un ruisseau qui passe lentement et en silence, répétant dans son onde limpide les fleurs et la verdure de ses rivages. » Cet idéal de félicité, dont il semble avoir emprunté l'image au cours paisible de la Vavenay, il lui avait été donné de l'entrevoir durant ces quelques semaines de claustration, comme dans une éclaircie entre deux bourrasques. Et voici que la radieuse trêve était sur sa fin. Ne nous étonnons pas s'il la prolongea le plus qu'il put avant de se replonger dans l'horreur de l'isolement, de la tempête et de la nuit. L'homme, avide de bonheur et souvent infortuné, lutte sans cesse contre les maux qui le submergent. Comme le matelot qui se noie, il tâche de saisir son voisin heureux pour se sauver avec lui. Les Hives furent sans doute les premiers à lui conseiller d'attendre, pour quitter Bungay, que la saison fût devenue plus clémente et qu'il eût achevé de rétablir ses forces par quelques promenades au grand air. Et de ces promenades, plus d'une fut concertée avec Charlotte, croyons-en le fidèle témoignage d'Atala. J'entraînais la fille de Simagan au pied des coteaux qui formoient des golfes de verdure en avançant leur promontoire dans la savane. Tout était calme, superbe, solitaire et mélancolique au désert. Notre promenade fut presque muette. Je marchois aux côtés d'Atala. Quelquefois, nous versions des pleurs, quelquefois, nous cherchions un sourire, un regard tantôt levé vers le ciel, tantôt attaché à la terre. Une oreille attentive au chant de l'oiseau, un geste vers le soleil couchant, une main tendrement serrée, un sein tour à tour palpitant, tour à tour tranquille. Les noms de Chactas et d'Atala doucement répétés par intervalles. Oh, première promenade de l'amour faite avec Atala dans le désert. Il faut que votre souvenir soit bien puissant, puisque, après tant d'années d'infortune, vous remuez encore le cœur du vieux Chactas. Il n'est pas jusqu'à la description du désert qui ne reproduisent, dirait-on, la campagne de Bungay, bien reconnaissable à ses golfes de verdure que les promontoires des collines découpent dans l'étendue des prairies. Le dimanche, le jeune couple se rendait avec le vieux ministre à Sainte-Marguerite-Ilkets-Hall, ou, pour parler comme Chactas, au petit village de la mission situé au bord d'un lac charmant, au milieu d'une savane semée de fleurs. Le lac n'est plus aujourd'hui et n'a peut-être jamais été qu'une mare profonde, à l'orée du cimetière, voilée de ronces, d'osiers et de plantes aquatiques, mais la savane n'a guère changé d'aspect. On y arrivoit par une avenue de magnolias et de chênes verts qui bordoie une de ces anciennes routes que l'on trouve dans la solitude européenne naturellement, car cela ne serait plus vrai pour l'Amérique. Et l'on a vu que c'est en effet la même route qui nous a conduit à Sainte-Margaret, hormis que les magnolias en étaient absents et que les chênes en étaient tout simplement des chênes. On se rappelle les démonstrations, fort peu indiennes, par lesquelles les sauvages accueillent leurs vieux pasteurs. Ils abandonnent leurs travaux, ils accourent au-devant de lui. Les uns baisent respectueusement sa robe, les autres aident ses pas chancelants. Les mères élèvent leurs petits-enfants dans leurs bras pour leur faire voir l'homme de Jésus-Christ. Il s'informoit en marchant de ce qui se passoit au village. Il donnoit un conseil à celui-ci, réprimandoit doucement celui-là. Il parloit des moissons à recueillir, des enfants à instruire, des peines à consoler. Il méloit Dieu à tous ses discours. Les dimanches d'Ilkett's Hall ne ressemblèrent évidemment pas de tout point à ce tableau embelli, poétisé, catholicisé. Ils n'en ont pas moins fourni la première idée. Il y a quelque chose d'assez piquant à constater que c'est l'ex-missionnaire protestant John Hives, le vieux pasteur anglican de Sainte-Margaret, qui a servi de prototype au personnage du père Aubry. Pendant qu'il vaquait à son ministère, baptisait les nouveau-nés, bénissait les unions, récitait les prières pour les morts qui avaient été enterrés sans lui dans la semaine, les jeunes amoureux avaient tout loisir d'errer ensemble sous les grands vieux arbres du cimetière ou dans le jardin du vicariat. Tout y favorisait leur confidence, leur tendresse, et le secret des bois et l'absence des hommes et la fidélité des ombres. C'était la solitude enchantée dont parle Chactas. Elle devait se fixer dans le souvenir de Chateaubriand comme le décor suprême de la seule passion vraie et profonde qu'il eût jamais ressentie. Feuilletez les dernières pages d'Atala. Voici le cimetière des Indiens de la mission ou les bocages de la mort. Un ruisseau serpentoie sans bruit au milieu de ces bocages et on l'appeloit le ruisseau de la paix. Ce riant asile des âmes et toit fermé à l'Orient par le pont sous lequel nous avions passé. Il ne s'ouvroit qu'à l'Occident, où s'élevoit un grand bois de sapins, dont les colonnes rouges marbrées de verre formoient un magnifique péristyle à ce temple de la mort. Il n'y a pas un détail de cette topographie si précise qui ne puisse rapporter directement à l'enclos de Sainte-Margaret. Rien n'y manque, ni le bouquet de pins où règne sans cesse un bruit solennel comme le mugissement de l'orgue, ni les eaux silencieuses du ruisseau de la paix, ni même le pont rustique que l'on franchit pour gagner la cure, encore que le poète l'ait américanisé en le donnant pour une de ces arches naturelles dont John Hives peut-être lui avait signalé l'existence dans les montagnes de la Virginie. C'est, on s'en souvient, sous la voûte de cette arche qu'il fait creuser à Chactas la sépulture d'Atala. Il ne faut donc pas chercher sur l'autre rive de l'Atlantique la tombe de la fille du désert. Elle doit reposer en un coin de cimetière anglais, au même lieu où le cœur de Chateaubriand coucha le fantôme de sa première, de sa plus pure inclination, non dans une pièce de lin d'Europe, mais dans le linceul de pourpre des amours défuntes. L'heure vint, en effet, où force lui fut de confesser le secret, le fatal secret, qu'il a mis dans le roman à la charge de la douloureuse Atala et qui, dans la réalité, pesait sur sa propre vie. L'Atala de Bungay avait la conscience tranquille, aucune arrière-pensée coupable, aucune crainte d'offenser le ciel en rompant le vœu d'une mère ne se mêlait chez elle aux troubles de l'amour naissant. Du jour que les discours passionnés de Chactas eurent eu raison de ses premiers émois, elle fut prête, comme il l'en conjurait, à suivre ses pas dans la solitude, c'est-à-dire, en style européen, à devenir sa femme. Car cette solitude, où il la conviait à s'engager avec lui, ne pouvait être dans les idées de la jeune Anglaise que le mariage. Et elle attendait, non sans impatience, j'imagine, qu'il se déclarât ouvertement, qu'il s'enhardît à prononcer la parole définitive « Nous nous aimons, épousons-nous ». Chactas s'étonne quelque part des complexités qu'il remarque dans le caractère d'Atala. L'abandon de sa tendresse et la chasteté de ses mœurs, la fierté de son caractère et sa profonde sensibilité, l'élévation de son âme dans les grandes choses, sa susceptibilité dans les petites, tout en faisant pour moi un être incompréhensible. Incompréhensible en quoi donc? des deux amants de Bungay, s'il y en avait un qui devait sembler incompréhensible à l'autre, ce n'était assurément pas Atala, mais Shaktas. C'était lui qui, avec les perpétuelles contradictions auxquelles il se trouvait en proie, était fait pour déconcerter la jeune indienne d'Angleterre, et c'était celle-ci qui aurait été en droit de dire de son étrange adorateur « Ce qui m'effroya surtout, et toi je ne sais quel secret, je ne sais quelle pensée cachée au fond de son âme que j'entrevoyois dans ses yeux, toujours m'attirant et me repoussant, ranimant et détruisant mes espérances, quand je croyois avoir fait un peu de chemin dans son cœur, je me retrouvois au même but. » Cette pensée cachée au fond de l'âme du gentilhomme français, et qu'elle entrevoyait parfois dans ses yeux, Miss Hives était naturellement à mille lieues d'en soupçonner l'interprétation véritable. Pourquoi chez lui cette attitude équivoque, ces alternatives d'effusion et d'impénétrabilité, ce bonheur qui ressemblait à du repentir? Qu'avait-il donc à tergiverser de la sorte? Et qu'était-il besoin de tant de façons pour confier au révérend John Hives qu'il aimait sa fille et qu'il en était aimé? Dans la droiture de son cœur, l'innocente Charlotte se figura que les hésitations de l'exilé venaient de sa délicatesse, qu'il n'osait demander la main d'une riche héritière anglaise, parce qu'il était étranger, parce qu'il était malheureux, parce qu'il était pauvre. D'esprit déterminé comme la plupart de ses compatriotes, habitué d'ailleurs à faire ses quatre volontés, elle se résolut à prendre les devants et à brusquer les choses. Car ce fut elle, au dire de Ryder Haggard, qui exigea de ses parents qu'ils provoquassent l'explication décisive. À quelle occasion? C'est sur quoi Chateaubriand ne nous renseigne qu'en termes assez vagues. Je voyais venir avec consternation le moment où je serais obligé de me retirer. Qu'entend-il pas se retirer? Ce ne peut être, il me semble, le fait de rentrer à Beckles, qui n'eût presque rien changé aux choses, puisque sa classe lui ramenait chaque semaine auprès des Hives, comme avant l'accident qui l'avait immobilisé chez eux. Il n'aurait plus vécu, il est vrai, dans leur intimité quotidienne, mais de là à parler de consternation, non, j'ai idée qu'il s'agissait bien d'une retraite, sous la forme d'une absence, par exemple, susceptible de le retenir loin de Bridge Street pendant des mois. Et voici ce qu'il est permis, je crois, de conjecturer. On n'a pas oublié que tout absorbé qu'il fut dans sa passion pour Charlotte, Chateaubriand avait continué de travailler à l'essai. Vers le temps où cette passion, trop visiblement partagée par la jeune fille, allait le mettre en demeure de se prononcer, la première partie de l'ouvrage, la seule qui fut destinée à paraître, touchait sans doute à son achèvement. Peut-être était-elle déjà en cours d'impression. Un prospectus lancé en 1796 annonçoit le premier volume de l'essai pour la fin de cette même année 1796, pour le mois de décembre au plus tard. L'émigré avait dès lors une excellente raison à faire valoir auprès de ses hôtes en arguant de la nécessité d'un retour à Londres pour surveiller la publication de son livre, soit qu'il eût lui-même imaginé le prétexte, soit que Deboeuf le rappelât, en effet, Deboeuf son éditeur, avec qui ses rapports n'avaient jamais été interrompus complètement. Dans tous les cas, il partait, et comme il avait l'air de vouloir partir sans avoir fait la démarche attendue par Charlotte, probablement aussi par le révérend et Mrs. Hives, ce fut donc à ceux-ci de s'exécuter. Ils s'y prêtèrent, en gens de bonne composition, incapables de rien refuser à leur unique enfant. Le gendre, après tout, était des plus sortables. Il était jeune, instruit, séduisant. Il portait un beau nom, il avait d'illustres alliances. C'était largement de quoi racheter son manque de fortune et même sa qualité de français élevé dans le papisme. Et puis Charlotte l'aimait. On sait le reste, et par quel coup de théâtre inévitable fut tranché comme en sa fleur l'idylle du presbytère de Bridge Street. La veille du jour annoncé comme celui de mon départ, le dîner fut morne. À mon grand étonnement, M. Hives se retira au dessert en emmenant sa fille, et je restai seule avec Mme Hives. Elle était dans un embarras extrême. Je crus qu'elle m'allait faire des reproches d'une inclination qu'elle avait pu découvrir, mais dont jamais je n'avais parlé. Elle me regardait, baissait les yeux, rougissait. Elle-même, séduisante dans ce trouble, il n'y avait point de sentiment qu'elle n'eût pu revendiquer pour elle. Enfin, brisant avec effort l'obstacle qui lui ôtait la parole, « Monsieur, me dit-elle en anglais, vous avez vu ma confusion. Je ne sais si Charlotte vous plaît, mais il est impossible de tromper une mère. Ma fille a certainement conçu de l'attachement pour vous. » Monsieur Haves et moi, nous nous sommes consultés. Vous nous convenez sous tous les rapports. Nous croyons que vous rendrez notre fille heureuse. Vous n'avez plus de patrie, vous venez de perdre vos parents. Vos biens sont vendus. Qui pourrait donc vous rappeler en France ? En attendant notre héritage, vous vivrez avec nous. » De toutes les peines que j'avais endurées, celle-là me fut la plus sensible et la plus grande. Je me jetai aux genoux de Madame Hives, je couvris ses mains de mes baisers et de mes larmes. Elle croyait que je pleurais de bonheur, et elle se mit à sangloter de joie. Elle étendit le bras pour tirer le cordon de la sonnette. Elle appela son mari et sa fille. « Arrêtez, m'écriai-je, je suis mariée !» Elle tomba évanouie. Lui, sans même rentrer dans sa chambre, il fila sur Beckles à pied dans les ténèbres, et le lendemain ou les jours suivants écrivit à Mrs. Hives une lettre dont il regrette dans les mémoires de n'avoir pas gardé de copie. Après quoi, il prit la poste pour Londres.